Coucou, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour, 740, 740, c'est le nombre d'émissions que je vous ai, animé, et que vous avez suivi, bien sûr, avec une grande fidélité, une grande assiduité. Et je vous en remercie très sincèrement du fond du cœur. Cette émission va être un peu comme toutes les émissions, hein. On va pas se tirer les cartes entre gitans, comme on dit, hein. Donc on va prendre les meilleurs et on ne change pas une équipe qui gagne, hein. Donc on y va. On va même pas tarder à y aller. Des morceaux que vous avez déjà entendus, hein, bien évidemment. D'autres un peu moins. J'ai un peu trié dans... dans quelques petites chansons anciennes. Oui. Avec Charles Trenet, Luis Mariano, Edith Piaf, et Bourvil, et puis j'en passe et d'autres, voilà. Allez, j'arrête de parler et place à la musique. Voilà, le ton est donné, me semble-t-il, hein. Donc voilà, la musique que vous allez tout simplement écouter dans cette émission. et de la douceur aussi, bien sûr. Rendez-vous avec vous, c'est une émission que vous propose Guy, c'est-à-dire moi, tous les mercredis, tous les dimanches et tous les lundis. Vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, non, non, non, on ne le pourrait pas.

o veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Pablo Alborán et jazz dans Inséparable. Charles Trenet, lui, va nous dire bonsoir, jolie madame. J'ai couru dans la nuit vers une humble chaumière, j'ai couru dans la nuit de printemps, vers le seuil où tremblait une faible lumière, de la porte j'ai poussé le battant. Et c'est là que madame, je vous ai vu sourire, endormie dans un rêve si léger, qu'à mon tour j'ai cru bon de rêver pour vous dire ces mots qui voltigeaient. Bonsoir, jolie madame, je suis venu vous dire bonsoir. Tout simplement, je ne réclame qu'un peu d'espoir. Espoir d'une visite, reviendrez-vous, tout vous attend dans ma maison. Revenez vite, c'est le printemps. Demain, par la fenêtre ouverte, la rivière vous fera les doux yeux. Demain, la nature est offerte au soleil qui luit dans vos cheveux. Bonsoir, jolie madame, reviendrez-vous au rendez-vous où le printemps vous met dans l'âme un désir fou. Demain, par la fenêtre ouverte, la rivière vous fera les doux yeux. Demain, la nature est offerte au soleil qui luit dans vos cheveux. Bonsoir, jolie madame, reviendrez-vous au rendez-vous où le printemps vous met dans l'âme un désir fou. Edith Piaf, padam, padam, padam. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui.

un peu de rêve et de ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris, que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. C'est la romance de Paris. C'est la romance de Paris. Tu jures que tu m'aimes bien plus que moi je t'aime. Pourtant, je dis quand même, qui sait, qui sait, qui sait. Tu dis que sur la terre, c'est moi que tu préfères, que nul ne peut te plaire. Qui sait, qui sait, qui sait. Un soir dans une danse, une autre s'avance. Déjà ton cœur frivole, dans ta robe, tourne et vole. Et ces baisers qui l'osent voler sur ta joue rose, tu dis, c'est peu de choses, qui sait, qui sait, qui sait. Tu dis que dans la danse, les tendres confidences n'ont guère d'importance. Qui sait, qui sait, qui sait. La preuve est qu'au passage, s'il frôle ton corps sage, lequel est le moins sage. Qui sait, qui sait, qui sait. Pour peu que l'amourette te tourne la tête, vas-tu m'être fidèle pour de telles bagatelles. Mais si jamais tu oses, moi-même, je suppose, ferai la même chose. Qui sait, qui sait, qui sait. Et ces baisers qui l'osent voler sur ta joue rose, tu dis, c'est peu de choses. Qui sait, qui sait, qui sait. Moi je sais. Je sais qui c'est. Luis Mariano, qui sait, qui sait, qui sait. Jean-Claude Borelli, Dolan Melody. Thank you.

Ah, ça fait du bien, hein? Ah oui, ça fait du bien. La toute dernière pour cette première partie de l'émission. Et après. Voilà, une guitare, mille illusions termine cette première partie de l'émission. On va tout de suite commencer la deuxième et puis surtout la troisième phase de l'émission avec le quart d'heure italien. Mais nous n'en sommes pas encore là. Oui. Oui. Nous ferons le tour du monde avec mon trois, ma jolie. Oui. Nous n'aurons plus pour amis que la brise vagabonde et le soleil de midi. Oui. Va. Mon bateau va, danse ton mât, claque ta voile. Va, mon bateau va, pour elle et moi, fogue là-bas. Oui. Choisis la plus belle escale, et je t'offre un paradis. Oui. Veux-tu le ciel de Capri ou les palais de Bengale ou le soleil d'Hawaï? Oui.

le bonheur conjugal restera de l'artisanat local. Laissez-vous aller, le temps d'un baiser, je vais vous aimer. Le trésor n'est pas caché, il est juste là, à nos pieds dévoilés. Il nous ferait presque tomber. C'est dommageable qu'on ne vive qu'une seule fois. C'est le temps d'une joie qui s'offre comme vous à moi. Laissez-vous aller, le temps d'un baiser, je vais vous. Avec Christophe, ce sont des succès fous. Elle reviendra à la tombée du jour. Je mettrai mes gants blancs. C'est mon style différent. Ça lui plaît. Et nous danserons. Cha cha cha. Avec les filles j'ai un succès fou. Ouh, le charme ça fait vraiment tout. Ouh, un petit clin d'œil. J'ai

c'est la vie, si c'est la vie, tam tam tam tam. Si c'est la vie, si c'est la vie, tam tam tam tam. Si c'est la vie, si c'est la vie, tam tam tam tam. Tant pis. Si c'est la vie qui s'en fout qui nous choisit. Si de ma vie je n'ai jamais pris le pli. Si je pâlis de n'avoir su dire que oui. Ne prenez pas de pause, ne cueillez pas de rose, ne prenez pas ma peine. Si c'est la vie, si c'est la vie, tam tam tam tam. Si c'est la vie, si c'est la vie, tam tam tam tam. Si c'est la vie, si c'est la vie, tam tam tam tam. Tant pis, ti di di di di, ti ti di di di di, ti. Christophe, la vie, c'est une histoire d'amour. Mais a-t-il raison, a-t-il tort? Moi, je crois qu'il a raison, bien que cette vie ne soit pas toujours comme on pourrait l'espérer, comme on voudrait qu'elle soit, en tout cas. C'est quand même une belle histoire d'amour. Et Christophe, avec ses mots à lui, nous le rappelle. Que c'est la nuit qui commence. Si tu t'en vas, que pour moi la vie même, c'est le temps que l'on égrène avec l'être que l'on aime auprès de soi. Tu le sais. C'est une toi tu emportes comme une colombe morte toute ma vie. Que l'adieu que tu me donnes n'est pas reçu par un homme qu'un bel amour abandonne et qui oublie. Tu le sais, la vie c'est une histoire. Le quart d'heure italien dédié à toutes les mamans. Tanti anni passati oramai, ma più bella ti vedo, lo sai. Cara mamma, stasera ho deciso, canterò una canzone per te. La distanza che c'è tra di noi cancellare, i momenti di bimba felice vissuti con te. Stringimi forte tra le braccia se lo vuoi, parlami adesso come tu facevi allora. Quante volte non sai avrei voluto starti accanto e parlare con te, perché la vita corre troppo in fretta e poi accanto a me, troppo tempo di te, io perdo così, senza un perché. Tanti anni che passano ormai, ma ancor piena di tu sei. Se ti guardo io vedo una donna che ai problemi non si arrende mai. Quante volte pensando vorrei far felice ogni tuo sentimento e vederti tranquilla sorridere alla tua età. Stringimi forte tra le braccia se lo vuoi. Allora, quante volte non sai avrei voluto starti accanto e parlare con te, perché la vita corre troppo in fretta e poi il tempo passa e ti ritrovi adulto ormai. Vieni qui accanto a me, troppo tempo di te. di Cracovia. L'uomo vestito di bianco è entrato nella storia. Quanta dolcezza e coraggio in quei suoi occhi chiari. Una passione nel cuore, voleva far l'attore. Tutte le strade davvero portano a Roma. Quando il Signore del cielo non ti abbandona, umile prete operaio che scrivi poesie, gli han detto il tempo è arrivato che devi partire. Una fumata bianca nel cielo si levò. Che accendesse nei cuori una speranza nuova. In quell'abbraccio al fratello che lo ha ferito c'era il messaggio più bello del suo cammino. Dio lo ha chiamato a suo fianco una sera. Anche le stelle hanno pianto a vederlo partire. Una fumata bianca nel cielo si levò. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Aspetta per anni di andare in pensione, ma arriva quel giorno e ti assale un pensiero. Vorresti cambiare l'ambito traguardo con qualche anno in meno, ma no, non si

l'avventura. Prendevo tutto alla leggera. Io t'ho rubato il cuore in una sera. Adesso che t'ho conosciuta, com'è cambiata la mia vita. Non sai cos'è una donna innamorata. Sogno i tuoi occhi, il tuo sorriso. Vedo soltanto il tuo bel viso. Questo è il momento, sai, che ho tanto atteso. Quanti baci e momenti d'amore, quanta felicità. Vale, Eh oui, ça se termine. Que voulez-vous ? Les belles choses ont toujours une fin. À très bientôt sur le 91, sur le 102.5, pardon. Je vous aime, je vous embrasse. Et vous les femmes, je vous embrasse. Partout, partout, partout, partout. E forse ingenuamente qualcuno ci può cascare. Adesso con me ci riprovi, usando dei metodi nuovi. Ma sono sicura che poi sarà peggio per te. Sei come un marinaio, ah ah, puoi combinarmi un guaio, ah ah, però con me non vale, perché sono dritta più di te. Sei come un marinaio, ah ah, puoi combinarmi un guaio, ah ah, però con me non vale, perché sono dritta più di te. FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 FM et sur le 102.5 FM.